بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par les arracheurs des âmes avec violence. والناشطات نشطا Et par ceux qui les cueillent avec douceur. والسابحات سبحا Par ceux qui naviguent librement. فالسابقات سبقا Puis courent et devancent. فالمدبرات أمرا Pour mieux gérer les affaires. يوم ترجف الراجفة Le jour où retentira le premier son du cor. تتبعها الرادفة Mais que suivra le second son du cor. قلوب يومئذ واجفة Des cœurs, ce jour-là, seront saisis de frayeur. أبصارها خاشعة Et des regards saisis d'humilité. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة Serons-nous donc, demanderont-ils, ramenés à notre vie sur terre أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Alors même que nous ne serons plus qu'ossement rongés. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ Ce serait donc, diront-ils, un retour où nous serions perdants. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ Il n'y aura qu'un seul cri. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ Mais les voilà tous qui se réveillent à la surface de la terre. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى L'histoire de Moïse t'est-elle parvenue ? إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى Son Seigneur l'appela dans la vallée sacrée de Towa, en lui disant اذهب إلى فرعون إنه طغى. Va trouver Pharaon, car il a transgressé. فقل هل لك إلى أن تزكى. Dis-lui, ne voudrais-tu pas te purifier? وأهديك إلى ربك فتخشى. Et me laisser te guider vers ton Seigneur, que tu craindras alors. فأراه الآية الكبرى. Moïse fit voir à Pharaon le plus grand prodige. فكذب وعصى. Mais celui-ci le tint pour mensonge et désobéit à Allah. ثم أدبر يسعى. Puis se détourna persistant dans la mécréance. فحشر فنادى. Il rassembla les siens et fit cette déclaration. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى Je suis votre Seigneur le plus haut. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى Allah sévit contre lui par le supplice exemplaire de l'autre monde et de la vie ici-bas. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى Il y a certes là une leçon à méditer par quiconque craint Allah. Mais êtes-vous plus difficile à créer que le ciel qu'il a édifié? Il en a élevé bien haut la voûte et a su en parfaire la forme. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Il en a rendu la nuit obscure et en a fait briller le jour. والأرض بعد ذلك دحاها. La terre après cela, il l'a nivelée. أخرج منها ماءها ومرعاها. Il en a fait sortir eau et pâturage. والجبال أرساها. Les montagnes, il les a implantées. متاعا لكم ولأنعامكم. Pour vos besoins à vous et à ceux de vos bestiaux. Mais quand se produira le plus grand des cataclysmes ? يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Le jour où l'homme se souviendra de tout ce qu'il s'est employé à accomplir. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Et que l'enfer sera mis en évidence devant quiconque peut voir. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Alors, celui qui se sera livré à la démesure et qui aura préféré la vie en ce bas monde. Aura pour seul refuge l'enfer. Quant à celui que le statut suprême de son Seigneur faisait trembler de crainte, celui qui s'interdisait de succomber aux passions, le paradis sera son séjour. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle enfin venir ? فيما أنت من ذكراها. Comment saurais-tu y trouver réponse ? إلى ربك منتهاها. C'est de ton Seigneur que relève son terme. إنما أنت منذر من يخشاها. Tu n'es là, quant à toi, que pour avertir quiconque l'appréhende. Le jour où ils la verront, ce sera comme s'ils n'étaient restés sur terre qu'un après-midi ou une matinée.